Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 4e, incarnation du Verbe. Markendanarchive.org, d'après abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Mystère de l'incarnation. Comment le Verbe fait chair, dissipe nos ténèbres, nous fait connaître la vérité, rend la vie à notre âme et à notre corps. Digression sur le nombre 6, qui, multiplié par 46, exprime celui des jours que le Sauveur demeura dans le sein de sa mère. Tous les fidèles ne formant Jésus-Christ qu'un seul corps, comment Jésus-Christ leur a mérité la gloire éternelle. Au reste, quoique le Verbe ait été envoyé par le Père, et qu'il lui soit inférieur comme homme, il n'en reste pas moins, selon sa nature divine, égal, coéternel et consubstantiel à son Père. Il faut en dire autant du Saint-Esprit, qui est Dieu comme le Père et le Fils. Préface. La science que les hommes estiment le plus, est celle qui a pour objet le ciel et la terre, mais une autre science bien plus estimable est la connaissance de soi-même. Oui, l'homme qui connaît sa propre faiblesse, mérite d'être loué au-dessus du philosophe qui, tout bouffi d'orgueil, étudie le cours des astres ou pour y faire des découvertes nouvelles, ou pour vérifier les anciennes. Hélas, il ignore quelle route peut le conduire au salut et à l'éternel bonheur. Au contraire, le vrai chrétien dont l'âme s'élève vers Dieu, s'embrasse facilement au contact des feux de l'Esprit Saint. Parce qu'il aime le Seigneur, il devient humble à ses propres yeux. Et parce qu'il veut s'en approcher, et qu'il en est empêché, il sonde sa conscience à la lueur des splendeurs célestes. Il se rend donc compte de son état, et il reconnaît que son âme est trop souillée pour qu'elle puisse réfléchir l'éclat de la pureté divine. C'est pourquoi ce chrétien répand devant le Seigneur de douces larmes, et le conjure d'avoir de plus en plus compassion de lui, jusqu'à ce qu'enfin délivré du poids de ses misères il puisse le prier avec une entière confiance, et trouver l'assurance de son salut dans la médiation du Verbe éternel, qui est venu éclairer et sauver tous les hommes. Or toute science qui réunit ainsi la componction à l'étude, n'est point la science qui enfle, mais la charité qui édifie. Et en effet celui qui la possède a fait un choix judicieux et il a préféré connaître sa propre faiblesse, plutôt que de mesurer l'étendue de l'univers, les profondeurs de la terre et la hauteur des cieux. Mais surtout il est digne d'éloge, parce qu'à cette science il joint la componction du cœur, c'est-à-dire la tristesse de l'exil et le regret d'être éloigné de la patrie céleste, et séparé du Dieu souverainement heureux. Et moi aussi, Seigneur, mon Dieu, je suis comme ce chrétien, serviteur de votre Christ, et comme lui je gémis au milieu des pauvres qui vous tendent la main. Donnez-moi donc quelques miettes de votre science, afin que je puisse satisfaire aux demandes de ceux qui n'ont point faim et soif de la justice, mais qui sont pleins et rassasiés de leur propre mérite. C'est l'orgueil qui les rassasie, et non votre vérité, qu'ils repoussent dédaigneusement. Aussi tout en voulant s'élever, retombent-ils dans l'abîme de leur vanité. Certes, je n'ignore pas de combien d'illusions le cœur de l'homme est le jouet. Et qu'est-ce que mon cœur sinon le cœur de l'homme ? C'est pourquoi je prie le Dieu de mon cœur de ne point permettre que l'erreur se glisse sous ma plume, et qu'au contraire je donne à la vérité en cet ouvrage tout le développement dont je serai capable. Sans doute, je suis éloigné des regards du Seigneur, mais je m'efforce de revenir à lui, quoique de bien loin, et je suis la voie que nous a tracée son Fils unique qui s'est fait homme pour notre salut. Aussi ai-je confiance que sa vérité suprême daignera m'éclairer. Je la reçois, il est vrai, dans un esprit muable et changeant, et toutefois je n'aperçois en elle rien qui soit comme les corps, soumis aux lois de la durée et de l'espace. Bien plus, elle est, plus encore que notre pensée, indépendante du temps et des lieux, et semblable à certains raisonnements de notre intelligence, elle s'affranchit complètement de tout calcul numérique, non moins que de toute image locale. C'est qu'elle repose en l'essence divine, qui est souverainement immuable dans son éternité comme dans sa véracité et sa volonté, car en Dieu la vérité est éternelle, de même que l'amour est éternel, en lui tout ensemble l'amour est vérité, et l'éternité est vérité, l'éternité est amour, et la vérité est amour. Chapitre 1er. Il est bon de connaître ses défauts. L'homme par le péché s'est éloigné de la joie suprême et incommunicable et toutefois il n'a pas entièrement brisé avec elle tout rapport et toute relation. Aussi parmi toutes les vicissitudes des temps et des lieux, cherche-t-il toujours l'éternité, la vérité et le bonheur? Et, quel est l'homme qui voudrait mourir, être trompé, ou être malheureux? C'est pourquoi le Seigneur, condescendant au besoin de notre exil, nous a révélé certaines vérités qui nous avertissent que la terre ne peut nous donner ce que nous cherchons, et que pour le trouver, il faut remonter au ciel. Mais si nous n'étions tombés du ciel, nous n'y chercherions pas le souverain bonheur. Au reste, il fallait d'abord nous convaincre que Dieu nous aimait bien tendrement, car sans cela nous n'eussions osé nous rapprocher de lui. Mais il n'était pas moins nécessaire qu'il nous démontrât toute la gratuité de son amour, de peur que l'orgueil ne nous fît attribuer ses grâces à nos propres mérites, et que par là, nous éloignant encore plus de lui, nous ne fussions faibles en notre force. C'est pourquoi Dieu agit envers nous avec tant de ménagement, que nous ne pouvons attribuer nos succès qu'à son appui et à son concours. Mais alors notre amour se fortifie dans la même proportion, que notre faiblesse se reconnaît humble et impuissante. Aussi le psalmiste s'écrit-il, « Vous séparâtes, ô Dieu, pour votre héritage une pluie toute volontaire, il était affaibli, mais vous l'avez fortifié. » Psaume 67, 10. Or cette pluie volontaire désigne la grâce divine, et on la nomme grâce, parce qu'elle n'est point un salaire qui nous soit dû, mais un don entièrement gratuit. Et en effet, Dieu nous la donne par sa pure bonté, et non en vertu de nos mérites. Convaincus de cette vérité, nous nous défions de nous-mêmes, et en cela nous sommes faibles. Mais Dieu nous fortifiera selon cette parole qui fut dite à l'apôtre, « Ma grâce te suffit, car la force se perfectionne dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Il fallait donc prouver d'abord à l'homme combien Dieu l'aimait, et ensuite en quel état le trouvait cet amour. La première chose était nécessaire pour que l'homme ne tombât pas dans le désespoir, et la seconde, pour qu'il ne devînt pas le jouet de l'orgueil. Au reste, c'est ce qu'explique très bien ce passage de l'Épître aux Romains. Dieu a fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant donc que nous sommes justifiés par son sang, nous serons délivrés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de ce même Fils. Après cela que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son propre Fils, et s'il l'a livré à la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point, après nous l'avoir donné? Romains 5, 8, 10, 8, 31, 32. C'est cette rédemption qui était montrée de loin aux anciens justes, afin que par la croyance au Messie futur ils fussent tout ensemble humbles et faibles, forts et affermis. Mais parce que le Fils de Dieu est unique, que ce Verbe divin a fait toutes choses, et qu'il est la vérité suprême et immuable, nous devons le considérer comme le principe premier et nécessaire de tous les êtres qui existent actuellement dans le monde, et même de ceux qui ont été et qui seront. Toutefois, dans le Verbe rien n'a été, ni ne sera, mais tout est. En lui encore tout est vie, et toutes choses sont un, ou plutôt il est seul l'unité parfaite et la vie parfaite. Car si tout a été fait par lui, il suit qu'il possède par lui-même la plénitude de la vie, et qu'il ne l'a point reçue. Aussi l'évangéliste ne nous dit-il pas que le Verbe a été fait au commencement, mais, qu'au commencement le Verbe était avec Dieu, que le Verbe était Dieu et que toutes choses ont été faites par lui. Jean 1:1-3. Or, comment le Verbe eut-il fait toutes choses, si lui-même n'eût existé avant toute chose, c'est-à-dire s'il n'était incréé et éternel? Et même les êtres bruts et insensibles n'eussent point été faits par lui, si avant d'exister, ils n'eussent possédé en lui la vie et le mouvement. Et en effet, tout ce qui a été fait était déjà vie dans le Verbe, mais non une vie quelconque, car il y a d'abord l'âme ou la vie des corps, qui est soumise aux lois du changement par cela seul qu'elle a été faite. Et, par qui a-t-elle été faite, si ce n'est par le Verbe de Dieu, qui est immuable de sa nature? Oui, tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui. Il faut donc en conclure que tout ce qui a été fait, était vie dans le Verbe. Mais ce n'était point une vie quelconque, puisque, cette vie était la lumière des hommes, c'est-à-dire la lumière des êtres doués de raison. C'est en effet la raison seule qui élève l'homme au-dessus de l'animal, et qui le constitue un homme. Cette lumière n'est donc point la lumière matérielle et sensible qui nous luit des hauteurs du ciel, ou qui se produit par les feux de la terre, lumière qui éclaire tout ensemble l'homme, l'animal et l'insecte. Tous jouissent indistinctement de cette lumière, tandis que la vie qui est dans le Verbe, est exclusivement la lumière des hommes, et cette lumière n'est pas loin de chacun de nous, car en elle, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, 17:27-28. Chapitre 2, l'incarnation nous dispose à connaître la vérité. Il est cependant des esprits qui ne reçoivent pas cette lumière, parce qu'ils sont aveuglés par l'erreur ou la passion, et c'est pour les guérir et les sauver que le Verbe, par qui toutes choses ont été faites, s'est fait chair, et qu'il a habité parmi nous. Jean 1:14. Nous ne pouvons en effet venir à la lumière que tant que nous entrerons en participation de cette vie du Verbe qui est la lumière des hommes. Or, la tâche du péché nous rendait impropres et inhabiles à cette participation. Il fallait donc tout d'abord effacer ces tâches. Mais le sang du juste et l'humiliation d'un Dieu pouvaient seuls purifier l'homme pécheur et orgueilleux. C'est pourquoi le Verbe s'est fait homme comme nous, à l'exception du péché, afin de nous mériter la vision intuitive de Dieu dont notre nature nous distingue. Car l'homme n'est point un Dieu par sa nature, mais seulement un homme. Et parce qu'il a péché, il n'est point juste. Mais en se faisant homme, le Verbe demeure le juste par excellence, aussi intercède-t-il auprès de Dieu pour l'homme pécheur. Et en effet, si le pécheur ne peut s'approcher du juste, l'homme peut s'approcher de l'homme. Ainsi, le Verbe en prenant la ressemblance de notre nature, a effacé la dissemblance de notre péché, et en se faisant participant de notre mortalité, Il nous a fait participants de sa divinité. La mort que méritait le pécheur et qu'il devait nécessairement subir, a donc été remplacée par la mort du juste qui s'y est volontairement offert, et qui par ce seul acte a payé la double dette de l'homme. Et en effet, qu'elle n'est pas en toute chose le prix de la convenance, du rapport, de la consonance et de la jonction qui unit deux objets entre eux. C'est ce que les Grecs, si je rends bien ma pensée, nomment harmonie. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de prouver combien est agréable cette relation de l'unité à la dualité. Il suffit de dire que le sentiment de cette harmonie est essentiellement inné en nous, et qu'il ne peut nous venir que du Dieu qui nous a créés. Aussi ceux même qui sont étrangers à toute science musicale, ne laissent pas que d'y être sensibles, soit qu'ils entendent chanter, soit qu'ils chantent eux-mêmes. C'est en effet l'harmonie qui fait concorder entre eux les divers tons de la musique, en sorte que notre oreille, bien plus que l'art que plusieurs ignorent, est soudain grièvement offensée lorsque ces règles sont violées. Mais cette démonstration m'entraînerait trop loin, et d'ailleurs j'en abandonne le développement à quiconque possède la théorie et la pratique du diapason.